Et puis je m'imagine découvrant son visage. J'aurais tant à lui dire sur ma vie de misère. Comment lui faire savoir qu'avec lui je m'engage. Longtemps je suis restée dans l'antichambre de la mort, cherchant dans le néant comment faire pour revivre. Puis je l'ai rencontré, submergée de remords. C'est surtout grâce à lui qu'aujourd'hui je puis dire de tous mes ennemis qui rôdent autour de moi, qui n'attendent que ma mort pour assouvir leur soif. Tu me délivres, Seigneur, pour moi tu les combats, et qui rentrent chez eux avec leurs épitaphes. Je sais très bien, Seigneur, que sans toi je ne suis rien, et de tout cœur je suis avec toi pour toujours. J'aurai tout pardonné, tout en faisant le bien. Jésus, je t'aime.